La chronique de l'instructeur des castors de Dolbo Mistassini est une commandite de Sport Expert de Dolbo Mistassini. La saison hivernale est arrivée et le magasin Sport Expert vous offre une vaste gamme de produits en inventaire pour vos sports d'hiver favoris. Une équipe compétente est là pour bien vous conseiller. Surveillez notre page Facebook pour nos différentes promotions. Sport Expert, 1361 Boulevard Wahlberg, Dolbo Mistassini. Le propriétaire du magasin Sport Expert, M. Stéphane Leroyer, souhaite une bonne année aux castors et invite les partisans au match de notre équipe locale. On va parler du tournoi de Saint-Anselme et de la victoire des castors de Dolbeau. Ils reprennent le collier en fin de semaine avec l'instructeur adjoint David Rivard. Salut David. Salut Danny. David, on revient évidemment sur cette belle victoire-là au tournoi de Saint-Anselme. Lorsque vous aviez parti au tournoi, est-ce que c'était vraiment l'objectif? C'est sûr que oui, c'était l'objectif de remporter le tournoi. C'est sûr que je pense pas qu'il y ait d'équipe qui se présente à des places pour perdre. Fait que c'est sûr qu'on avait en tête de ramener la bannière. Puis sur papier, ça a été pratiquement un tournoi parfait. On a accordé 2 buts dans le tournoi. Ensuite, 5 victoires, 0 défaite. Puis nos unités spéciales ont vraiment fait la job. Ça a été une grosse partie de notre succès. OK. Si on parlait un peu du match, je pense que c'est la demi-finale que vous avez trouvé le plus difficile, hein? Oui. Bon, on affrontait une bonne équipe, mais on a vraiment sorti fort. Le gardien, ils ont tenu la game vraiment une bonne partie, mais ça a vraiment été une bonne partie pour l'équipe. OK. Est-ce que à la lumière de ce que tu as vu, c'est les équipes de la région sont aussi fortes ou encore plus fortes que ben des. Est-ce qu'on a de quoi envier comparativement aux autres régions pour le budget de 2B? Non, je pense qu'on n'a rien à envier. C'est sûr qu'on était la seule équipe de la région qui était là. Ouais. Mais je pense qu'on a fait une belle performance. Puis. Non, on n'a rien à envier aux autres régions. OK. Là, il se passe quoi au cours de la fin de semaine pour les castors? En fin de semaine, on finit notre mois sur la route. On va à Chibougamau. Okay. On a 3 parties en 2 jours encore. Ça va ressembler à ça. J'ai demandé aux castors, pas aux castors, mais aux relationnistes de la Ligue GMS de sortir les records de la Ligue pour savoir si vous êtes pas loin de battre le record. Parce que 15 matchs consécutif sans défaite, c'est quelque chose d'incroyable. Oui, mais écoute, nos jeunes, on travaille fort en pratique. Les jeunes, ils embarquent dans le système, puis c'est sûr qu'avec le travail, le succès, ça vient. Oui. As-tu hâte d'en perdre une pour qu'on mette fin à ça, là? Si on en perd une, qu'est-ce qui va arriver? Oui, est-ce que pour les castors, ce serait bien d'en perdre une pour retomber... retomber sur les pattes un peu? Non, je pense pas qu'on a besoin d'une défaite pour garder la tête sur nos épaules. Okay. On prépare les gars à chaque match pour comme si on était à chaque partie, on les prépare de la même façon. Puis c'est sûr qu'on veut jamais perdre. Si on perd, c'est pas grave, pas plus grave que ça, ouais, mais okay. Je pense pas qu'on a besoin d'une défaite pour nous ramener sur terre. Sur le droit chemin. OK. Ben, David, on va te souhaiter la meilleure des chances à Chibougamau en fin de semaine. C'est pas facile de jouer à Chibougamau. Les partisans là-bas sont quand même assez hostiles. On se reparle jeudi prochain. Oui, merci, Danny. Ouais, on rappelle que cette chronique est une commandite de Sport Expert du secteur de Dolbeau.